Putain, on dit que la vie c'est dur, qu'y'a rien à faire, qu'on s'est fait trouer, qu'on a beau chercher l'air pur, y'a que de la merde que l'on va trouver, qu'il n'y a plus de belles au bois dormant, que des beaux au bois de Boulogne, gros. Le prince que l'on connaît, celui que l'on cogne, les belles histoires sont racontées pour foutre le trash aux enfants, redaf tous se finissent en sang, en zonzou, en vent, pompon. Les bombiers, au fait, je les ai criaves, Mickey, je les piétinais, mais ils n'avaient rien à foutre dans ma cave. Le monde se part en couille et moi je suis au milieu, bouge dans l'arène, peur du bleu, du blanc et du rouge, je deviens tous phares, même ceux qui sont sans. Dire que nos parents se sont battus, ont gratté à mort et à sang. Je perpétue des valeurs à mes moulots, peur qu'ils perdent et tuent leurs rêves comme on éclate une balle star au boulot. Et qu'aussitôt on la moutra, génération urinoire. Le phare ne dirige plus mes travestis, le regard de nos sœurs. Les seuls rêves qui nous restent se fument, que leur ex s'arrête dès que l'on touche à leur dure insulte. Ta vie est fait enfin ce que tu kiffes, que tes mots soient des bons pifs, que tes mots ne soient plus fictifs. Les seuls rêves qui nous restent se fument, que leur ex s'arrête dès que l'on touche à leur dune assume. Ta vie est fait enfin ce que tu kiffes, que tes mots soient des bons pifs, que tes mots ne soient plus fictifs. Ici même les nôtres nous mentent, trop jouent les caïds, mais qui feraient nous avouer que ce ne sont que des tentes. Get Zirak qui joue les saints, traite les autres de salopes, mais qui fait avoir un skeg qui les maltraite. Et ces petits morts veulent faire un CAP cambrioleur, parce que la seule image chez nous qui jouons les branleurs est... Il y a moi qui ne veux plus croire en rien. J'ai vu trop de craries, trop essayer, trop repartir en chien. Combien de mes frères sont si torturés qui laissent femmes et enfants pour trouver ne serait-ce qu'un brin de sérénité. Façon la corde on leur avait mis avant ce geste, en leurs actions dérisoires face à nos pensées funestes. Tant ils nous détestent, dans leur dire son peste. Rodave dans nos propres quartiers, ils nous séquestrent. Merde, comment fonder une femme ici passée? Comment croire en l'homme, gars? Comment croire en moi? Les seuls rêves qui nous restent se fument, que leur ex s'arrête dès que l'on touche à leur dune assume. Ta vie est fait enfin ce que tu kiffes, que tes mots soient des bons pifs, que tes mots ne soient plus fictifs. Les seuls rêves qui nous restent se fument, que leur ex s'arrête dès que l'on touche à leur dune assume. Ta vie est fait enfin ce que tu kiffes, que tes mots soient des bons pifs, que tes mots ne soient plus fictifs. Ma confiance est morte le jour où j'ai ouvert les yeux, quand j'ai vu que leurs paroles n'étaient rien d'autre que des armes à feu, et que la faute était sur nous sans cesse. Moulot mouli de test, vous êtes des princes et des princesses. Vu qu'ici un ou deux égale généralité, et que pour nous rassurer on nous rabâche que des banalités. Allez c'est sol, c'est la foire à fourre-tout. Banlieusard on prend tout, on prend les coups, les baffes et bafous. Même nos darons dit qu'ils ont abandonné, qu'ils sont résignés, que leur môme les mène par le bout du nez. T'inquiète pas pour nous. Hey, nous c'est chi ma gueule, ta rage et ta haine ne sont que des amuse-gueules. On vit avec, on part avec cet handicap. Mec, sois fier de venir de banlieue, d'un pav, d'une sup ou d'une sac. Mais si tu viens d'un milieu populaire, tu devras cravacher. Si tu ne veux pas que tes rêves partent en fumée. Les seuls rêves qui nous restent se fument, que leur ex s'arrête dès que l'on touche à leur dune assume. Ta vie est fait enfin ce que tu kiffes, que tes mots soient des bons pifs, que tes mots ne soient plus fictifs. Les seuls rêves qui nous restent se fument, que leur ex s'arrête dès que l'on touche à leur dune assume. Ta vie est fait enfin ce que tu kiffes, que tes mots soient des bons pifs, que tes mots ne soient plus fictifs. Les seuls rêves qui nous restent se fument, que leur ex s'arrête dès que l'on touche à leur dune assume. Ta vie est fait enfin ce que tu kiffes, que tes mots soient des bons pifs, que tes mots ne soient plus fictifs. Les seuls rêves qui nous restent se fument, que leur ex s'arrête dès que l'on touche à leur dune assume. Ta vie est fait enfin ce que tu kiffes, que tes mots soient des bons pifs, que tes mots ne soient plus fictifs.